Céphas et Philippe, à Asakia. Acte de Philippe à Asakia. Mal en 1871. Jésus leur dit qu'il allait commencer son ministère de prédication et réunir des disciples autour de lui. André lui parla de plusieurs personnes de sa connaissance dont il lui fit l'éloge, et fit mention de Pierre, Philippe et Nathanaël. Jésus parla du baptême à donner ici dans le Jourdain et que quelques-uns d'entre eux auraient à baptiser à cet endroit. André rencontra en chemin son frère Jonathan et Philippe qui allèrent avec lui, devant derrière Jésus. André leur parla d'un ton animé, leur racontant tout ce qu'il avait vu de Jésus. Il leur dit que c'était vraiment le Messie, que s'ils voulaient le suivre ils n'avaient pas besoin de le lui demander, seulement ils devaient s'examiner pour savoir s'ils le désiraient du fond du cœur et il indiquerait alors par un signe ou un mot s'il les admettait. Lorsque le Shabbat fut fini, Jésus passa près de la synagogue et alla dans une petite vallée avec ses disciples. C'était comme un lieu de promenade avec des arbres à l'entrée et la vallée. Les fils de Marie de Cléophas, de Zébédée, et d'autres disciples, se joignirent à lui. Philippe hésitait et restait derrière, ne sachant pas s'il devait le suivre dans la vallée. Jésus qui marchait en avant, tourna la tête vers lui, dit « Suis-moi ». Tout joyeux Philippe se joignit aux 12 autres. Philippe était de Bethsaïda, il s'occupait de certains travaux de bureau. Depuis que Jésus l'avait appelé, il était aussi joyeux et confiant qu'il avait été craintif. Fin de la vision d'Hémorique. Le lot d'aller dans la ville d'Asakia, en Asie mineure, échut à Philippe. Il ne tarda pas, il dit à Céphas. Voici que Dieu t'a commandé de venir avec chacun dans son lot. Je voudrais que tu viennes avec moi dans ma ville. Bien. Ils marchaient ensemble lorsque le Seigneur leur apparut, et leur dit. Paix à vous, mes élus. Allez annoncer à toutes les créatures et les délivrer de la main de Satan. Pour la vérité, je vous dis, vous devrez confronter ce monde et combattre durement jusqu'à passer des ténèbres à la lumière. Pour la vérité, je vous dis, votre récompense au ciel sera si grande que vous oublierez toutes vos peines lorsque vous entrerez dans votre repos. Ils se remirent en route le cœur réconforté. Lorsqu'ils approchaient la ville, ils virent un homme avec un esprit impur qui se mit à crier. « Apôtre du Christ, je ne vous laisserai pas venir dans la ville. » Céphas le réprimanda sachant qu'un esprit impur le manipulait, et aussitôt Satan sortit de lui. Cet homme survécut et suivit les apôtres dans leur trajet jusqu'à la ville, qui était sur le dessus d'une haute colonne. Arrivé aux portes de cette ville, Céphas pria le Seigneur. Seigneur Jésus, je te prie, que cette porte et cette haute colonne descendent à terre jusqu'à atteindre ma main. Au même moment, la porte, la colonne, et tous ceux qui étaient dessus, descendirent jusqu'au niveau du sol. Apercevant les péchés, Céphas dit à l'homme libéré d'esprit impur, de monter sur la colonne et de crier malédiction aux habitants de la ville. L'homme monta sur la colonne et Céphas dit à la colonne. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, replace-toi comme avant. Et l'homme commença à crier aux gens de la ville. Soumettez-vous aux apôtres du Christ pour votre bien. Il y eut un tremblement de terre. Une grande frayeur saisit tous les hommes de la ville. Ils fuirent par les trous des caves pour se rendre dans les îles, mais les éclairs les en empêchèrent. Beaucoup de femmes et d'hommes moururent sous le tremblement de terre et le tonnerre. D'autres qui s'étaient approchés de l'homme, virent les apôtres en prière, les mains étendues, et tombèrent aussi en prière. Ils leur firent dévotion dans les larmes et dirent « Servants de Dieu, nous vous supplions de prier pour nous. Dites-nous quel est le sacrifice que vous voulez recevoir et nous le ferons. Mais intercédez pour nous pour que cette peur terrifiante cesse. » Les apôtres prièrent le Seigneur pour eux. Le tremblement de terre cessa alors et les éclairs disparurent. La porte, la colonne, et ceux qui étaient dessus, changèrent de place et ne bougèrent plus. L'homme arrêta de crier. Il descendit de là et resta silencieux. Les gens rassemblés, qui s'aperçurent que le tumulte s'était arrêté au même moment, dirent « C'est un dieu ». Et ils demandèrent « Es-tu Dieu lui-même ou non ? Je ne suis pas Dieu, mais un homme comme vous, mais c'est l'Esprit de Dieu, par ma bouche, qui a prononcé l'ordre des saints, leur dit-il. Venez écouter ce que Céphas et Philippe vont vous dire, car ils vous donneront la connaissance qui vous sauvera. » Il vint vers les apôtres et leur dirent « D'où êtes-vous ? Quelle idole servez-vous ? » dit Céphas. « Nous servons une statue d'or, » répondirent-ils. « Amenez-la nous, » dit Philippe. Quand ils firent ainsi, les prêtres se mirent à crier. « Ne détruisez pas les dieux qui vous délivrent en tout temps. Quand la guerre viendra, si vous les suppliez, ils vous aideront. Nous préférons entendre la voix des apôtres que la voix de tes dieux fabriqués, qui n'entendent pas, ne voient pas, ne sentent pas, ni ne marchent, » dirent les hommes de la ville. Les prêtres vinrent dire aux apôtres « Vous trompez les hommes par vos enchantements en disant que Dieu est un homme né de la Vierge Marie, que Pilate a mis à mort. Y a-t-il jamais une divinité morte ou frappée ? De l'autre côté, ce que nous taillons d'or et d'argent et que nous appelons Dieu, ne souffre pas. » Philippe fut revêtu du pouvoir de l'Esprit descendu sur lui et son pouvoir le fortifia. Il prie à Dieu. Ô Dieu, envoie le feu du ciel pour dévorer ces prêtres qui trompent les gens afin qu'ils croient en ton nom. Au même instant, le feu descendit pour les consumer, mais les gens pleurèrent pour eux. Philippe leur dit : Pour quelle raison êtes-vous en peine et larmes ? Parce qu'ils vous ont dit que vos dieux vous délivreraient si une guerre survenait. Céphas prit une image d'or et lui donna l'ordre de parler. Ô apôtre de Christ, ne soyez pas en colère contre moi. Je vous demande d'avoir pitié de moi parmi ces hommes pécheurs qui m'ont fabriqué de choses de terre et m'ont placé dans leurs ornements pour me regarder. Ils m'ont mis dans un temple et m'ont sacrifié des animaux. Ils mélangent leur sang avec du vin. Ils abusent les gens qui s'imaginent que je bois et mange. Mais je ne mange, ni ne bois, et ne converse avec personne. C'est le pouvoir qui est en vous, celui-là même, qui me permet de parler à ce peuple pour témoigner de la tromperie de leurs agissements. » Ayant dit cela, elle devint silencieuse. Les prêtres supplièrent les apôtres de les sortir du feu pour faire tout ce que les apôtres leur indiqueraient de faire. Philippe leur dit : Si vous renoncez à vos dieux, dites alors : Nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, et en son nom, dites : Que ce nuage de feu s'élève loin de vous. Nous croyons à Dieu le Père, à sa parole Jésus-Christ, à l'Esprit Saint. » dirent-ils en larmes. Au même moment le feu s'éleva et devint comme une mer d'eau bénéfique, blanche comme le lait, qui les émerveilla tous. Les gens rassemblés demandèrent aux apôtres de leur enseigner les préceptes et la foi du juste. Philippe leur recommanda de construire une église à l'endroit même où ils avaient cru. Ce qu'ils consentirent de faire. Il demanda de lui amener de la paille de fondement, puis il demanda de creuser et il fit la fondation. Quand ils eurent fait et terminé tout ce qu'il leur avait demandé, il alla aux portes de la ville et monta sur la colonne, et dit : Dans le nom de notre Seigneur, qui est appelé du nom de Dieu, je t'ordonne de bouger le plus loin de l'église. À la même heure, la porte tomba et la colonne qui se tenait là descendit le plus loin du lieu de la fondation de l'église, sans qu'on ait entendu de son, ni vu de poussière. Le roi dit à l'assemblée : Il n'y a pas d'autre que le Dieu de Céphas et Philippe les apôtres de Dieu. Voici, leur dit Philippe, je n'ai tardé à vous fonder une église, une maison de prière pour Dieu. Je vous demande maintenant de réunir tous les hommes de la ville, des plus vieux aux jeunes, des servantes pour porter l'eau, et que chacun fasse ce qu'il doit faire pour la maison de Dieu. » De tous ceux rassemblés, il n'y eut pas un qui refusa de faire ce qu'il leur dit. Les apôtres logeaient chez Carou le juge de la ville, se réjouissant du nombre de personnes rassemblées qui s'étaient converties par la foi. Notre Seigneur leur apparut sous l'apparence d'un homme de resplendissante lumière et leur dit : Paix à vous mes envoyés bénis. Voici, j'ai vu la foi des habitants de cette ville, pour quelle raison restez-vous là ? Partez enseigner la parole de vie à tous ceux qui demandent pour moi, je serai avec vous. Et le Seigneur monta au ciel. Les visages de Céphas et de Philippe brillaient de la gloire du Seigneur qui leur était apparue. Quand ils retournèrent auprès du peuple, tous les gens de l'assemblée furent étonnés en voyant leur visage briller. Les apôtres les relevèrent et les bénirent. Ils leur enseignèrent la vraie justice et autorité de notre Seigneur, leur prescrivant de ne plus agir d'après leurs anciens péchés. Le nombre de ceux qui reçurent la bénédiction des apôtres s'accrut par la merveille de la gloire de Dieu qui demeurait avec eux sur leur visage. Il y eut dans l'assemblée un homme avec un démon qui cria très fort. « Je vous supplie, apôtres de Christ, de ne pas me tourmenter si je sors de cet homme. » Céphas et Philippe ordonna à ce démon de sortir de l'homme et ne plus jamais revenir en lui. L'homme fut jeté à terre et sortit aussitôt de lui. L'homme libéré se jeta aux pieds des apôtres en dévotion. Ils réunirent tout le peuple dans l'eau de la mer et les baptisèrent ensemble dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres dirent à la congrégation : Vos péchés vous ont été pardonnés, ainsi que ceux que vous avez commis involontairement. À présent, placez vos actions à faire seulement du bien pour être dignes du bon royaume céleste où il vivra toujours. Nous te remercions, dirent-ils d'une seule voix, toi notre Seigneur, Dieu de Céphas et Philippe, pour ta pitié et miséricorde envers nous, pour avoir fondé une église par tes apôtres, pour que les gens s'assemblent dans la joie. Céphas les instruit dans la loi et les prophètes. Philippe leur expliquait dans l'esprit de notre Seigneur. Ils étaient dans la joie pour la connaissance et la foi. La congrégation était prête à recevoir les mystères des saints. Céphas et Philippe firent une prière pour consacrer les mystères du corps de notre Seigneur et son précieux sang, et donnèrent à la congrégation qui les reçut avec vérité. Les apôtres restèrent 6 jours avec eux pour leur donner paix et leur enseigner les commandements de Dieu jusqu'à ce qu'ils croient. Ils placèrent des hommes pour le service. Puis ils les quittèrent, émerveillés de tout ce que les pouvoirs firent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Philippe et Mariam. Acte of Philippe, James 1924. Ce qui arriva quand le Sauveur divisa les apôtres pour que chacun aille suivant son lot. Le lot de Philippe échut au pays des Grecs. Il trouva cela difficile et pleura. Mariam, sa sœur qui avait préparé le pain et le sel pour le moment de rompre le pain, tandis que Martha servait les multitudes et travaillait fort. Voyant cela, elle alla vers Jésus et dit : Seigneur, ne vois-tu pas comme mon frère est vexé ? Je sais. Tu es choisi parmi les femmes, va avec lui pour l'encourager. Je sais qu'il est impétueux et coléreux, s'il va seul, il apportera plusieurs tribulations aux hommes. Je vais envoyer Barthélemy et Jean dans la même ville pour confronter les obstacles à cause de la grande méchanceté de ceux qui habitent là, car ils adorent la vipère, la mère des serpents. Quant à toi, change ton aspect féminin et va avec Philippe. Et à Philippe, il dit : Pourquoi es-tu dans la crainte ? Je suis toujours avec toi. Ils se préparèrent tous pour le pays d'Ophanie. Quand ils arrivèrent au désert des serpents, voici, un grand léopard sortit du bois sur la montagne, et coura se jeter à le pied. Il parla avec une voix humaine. Je vous révère, servant de la grandeur divine, apôtre du seul Fils engendré de Dieu. Ordonnez que je parle parfaitement. Parle dans le nom de Jésus-Christ, dit Philippe. Écoute-moi Philippe, garçon d'honneur de la parole divine, dit le léopard avec un parfait parler. La nuit dernière, je passai à travers des troupeaux de chèvres autour du mont de la dragonne, mère des serpents, et j'attrapai un petit. Je suis allé pour manger dans le bois, après l'avoir blessé, quand il a pris une voix humaine, pleurant comme un petit enfant, il me dit. Ô léopard, enlève ton cœur féroce, la part sauvage de ta nature, et revêt la douceur, car les apôtres de la grandeur divine, qui accomplissent la parfaite promesse de la gloire du seul engendré Fils de Dieu, vont passer par ce désert. J'étais perplexe à ces paroles du petit, et je ne l'ai pas mangé, car mon cœur changea graduellement et ma férocité se tourna en douceur. Et tandis que j'écoutais ces paroles, je levai mes yeux et vous ai vu venir. Je savais que vous étiez les servants du bon Dieu. Ainsi j'ai laissé le petit pour vous révérer. Et maintenant, je vous supplie d'enlever ma nature sauvage et me rendre libre d'aller avec vous n'importe où. Où est le petit ? Dit Philippe. Il s'est jeté sous le chêne opposé. Philippe dit à Barthélemy. Allons voir celui qui est blessé. Soignez et guérissez les blessés. Sur l'ordre de Philippe, le léopard les guida là où le petit était étendu. Philippe et Barthélemy dirent. Maintenant nous savons avec vérité qu'il n'y a personne qui surpasse ta compassion ô Jésus, aimant de l'humanité, car tu nous convains par tes créatures, avec prévenance, afin de croire plus sérieusement, et que notre confiance soit au comble. Viens maintenant Seigneur Jésus-Christ pour accorder vie, souffle, et assurance à ces créatures, qu'ils perdent leur nature sauvage et de bétail et deviennent dociles, qu'ils ne mangent plus de chair, ni le petit de nourriture pour bétail, et qu'un cœur humain leur soit donné afin qu'ils nous suivent ou nous irons pour ta gloire, mange ce que nous mangerons, et parle comme les humains pour la glorification de ton nom. Dans l'heure, le léopard et le petit se levèrent pour dire. Nous bénissons et glorifions celui qui nous a visités et s'est souvenu de nous dans ce désert, qui a changé notre nature féroce et sauvage en docile, qui nous accorde la parole divine en nous donnant une langue, pour parler et louanger ton nom, car grande est ta gloire. Ils tombèrent avec dévotion près de Philippe, Barthélemy, et Mariam. Et ils se préparèrent ensemble en glorifiant Dieu. Lorsque Philippe sortit de Galilée, il demanda la cause de sa douleur d'une veuve qui emmenait son seul fils au sépulcre. J'ai dépensé en vain beaucoup d'argent pour les dieux et consulté un devin, sans résultat. Ce que tu as souffert n'est pas inhabituel, mère, c'est ainsi que le démon trompe les hommes. Calme ta douleur et je ressusciterai ton fils dans le nom de Jésus, dit l'apôtre. Il aurait été préférable que de ne pas me marier et ne manger que du pain et de l'eau, dit-elle. Tu as raison. La chasteté est précieuse pour Dieu, dit Philippe. Je crois au Jésus que tu annonces, dit-elle. Philippe ressuscita son fils. Il s'assit et dit. Où est cette lumière? Comment est-elle venue pour qu'un ange vienne ouvrir la prison du jugement où j'étais enfermé, dans de si grands tourments que la langue humaine ne peut décrire? Ils furent tous baptisés. Le jeune suivit l'apôtre. Lorsqu'il entra dans une ville d'Athènes appelée Héla, 300 philosophes réunis se disaient. Allons voir quelle est sa sagesse, car on dit que la sagesse des sages d'Asie est grande. Ils supposèrent que Philippe était philosophe. Il ne voyageait qu'avec un manteau et un vêtement dessous. Alors ils se mirent ensemble dans leurs livres pour voir ce qu'ils pouvaient en tirer de mieux. Si tu as quelque chose de nouveau à nous dire, dis-le-nous. Car nous n'avons besoin de rien d'autre que d'entendre une nouvelle chose, dirent-ils. Je suis heureux d'entendre que vous souhaitez quelque chose de nouveau, car l'enseignement de mon Seigneur est nouveau, dit Philippe. Mais vous devez d'abord chasser l'ancien homme, comme le Seigneur dit. Vous ne pouvez mettre du nouveau vin dans de vieilles bouteilles. Qui est ton Seigneur? Jésus-Christ. C'est un nouveau nom pour nous. Donne-nous 3 jours pour y voir, dirent les philosophes. Ils se consultèrent et dirent. Il serait peut-être préférable d'envoyer le grand sacrificateur des Juifs pour discuter avec lui. Ils écrivirent ainsi. Les philosophes de Grèce, à Anania le grand sacrificateur des Juifs à Jérusalem. Et ils firent état de la situation. En lisant la lettre, Anania déchira ses vêtements et dit « Ce séducteur est ainsi à Athènes. » Et Satan entra en lui. Il consulta les docteurs de loi et les pharisiens, qui lui dirent « Arme-toi et prends 500 hommes, va détruire Philippe à tout prix. » Aussi il vint dans les vêtements de grands sacrificateurs, avec grande pompe. Les philosophes et lui allèrent au logis de Philippe. Il sortit et Anania dit « Toi, sorcier et magicien, je te connais. Ton maître, qui a trompé Jérusalem, t'a appelé fils du tonnerre. La Judée ne te suffit pas que tu sois aussi venu jusqu'ici pour tromper. Que le voile de l'incrédulité te soit retiré, et que tu apprennes qui est le trompeur. Toi ou moi, dit Philippe. Anania s'adressa à tous. Jésus a été crucifié car il détruisait la loi et permettait les viandes interdites. Ses disciples qui ont volé son corps firent plusieurs merveilles et furent chassés de Jérusalem. Ils vont maintenant dans le monde pour tromper chacun comme ce Philippe. Mais je l'amènerai à Jérusalem, au roi Archélo qui le cherche pour le mettre à mort. » Les gens ne bougèrent pas. Philippe dit « Je ferai appel à mon Dieu. » Anania courut vers lui et le frappa. Sa main sécha et il devint aveugle ainsi que ses 500 hommes, qui le maudirent ou implorèrent le secours de Philippe. Philippe pria. « Faible nature, mère amère. Viens Jésus, sainte lumière, car tu ne te détournes pas quand nous crions vers toi. Penses-tu nous détourner des traditions de nos pères, du Dieu de la manne au désert, et de Moïse, pour suivre Jésus le Nazaréen ?» dit Anania. « Je demanderai à mon Dieu de se manifester lui-même à toi et à eux. Peut-être croiras-tu, sinon un prodigue t'arrivera, » dit Philippe. Et Philippe pria Dieu d'envoyer son fils. Les cieux s'ouvrirent et Jésus apparut dans la gloire. Son visage brillait 7 fois plus que le soleil et ses vêtements étaient plus blancs que neige. Toutes les idoles d'Athènes tombèrent et tous les démons en sortirent avec des cris. « Entends-tu les démons ?» dit Philippe. « Ne crois-tu pas en celui qui est ici ? Je n'ai pas d'autre Dieu que celui qui a donné la manne au désert, » dit Anania. Lorsque Jésus remonta au ciel, il y eut un grand tremblement de terre. Tous les gens coururent vers l'apôtre, criant de grâce. Philippe dit « Il n'y a pas d'envie en nous. Que la grâce du Christ vous redonne la vue, que le grand sacrificateur voit en premier. » Philippe, auparavant, fils du tonnerre, et maintenant d'humilité, dit une voix céleste. Les gens prirent peur à la voix. Dans le nom de Jésus-Christ, Philippe fit retrouver la vue à Anania, qui dit « Combien grande est la magie de Jésus! Ce Philippe m'a rendu aveugle un instant et un instant d'après il a restauré ma vue. Je ne suis pas convaincu par cet enchantement. » Les 500 demandèrent à Philippe de leur redonner la vue pour qu'il frappe Anania, cet incrédule. « Ne rendez pas le mal pour le mal, » dit Philippe. « Anania, un grand signe va se produire pour toi. Je sais que tu es un sorcier disciple de Jésus. Tu ne peux m'ensorceler, » dit Anania. « Viens vite Jésus, » dit Philippe. La terre s'ouvrit et avala Anania jusqu'aux genoux. C'est pure magie que la terre se fende à la menace en hébreu de Philippe. Cria-t-il. Il y a des crochets qui tirent mes jambes pour me faire croire, mais je ne croirai pas. Je connais sa magie depuis Jérusalem. Philippe dit à la terre. Prends-le jusqu'à moitié. Il s'engloutit plus encore et dit. Un pied de mes pieds est gelé, et l'autre est brûlant. Mais je ne croirai pas. Les gens voulurent le lapider, mais Philippe les en empêcha, disant. C'est pour son salut. Je le ramènerai s'il se repent, sinon il va être avalé jusque dans l'abîme. Il étendit sa main dans l'air, au-dessus des 500, et leurs yeux s'ouvrirent. Ils glorifièrent Dieu. Philippe dit à Anania. Déclare maintenant, d'un cœur pur, que Jésus est Seigneur, et que tu sois sauvé comme eux. » Mais il rit de lui. Le voyant si obstiné, Philippe dit à la terre : « Ouvre-toi pour l'avaler jusqu'au cou. » Un des premiers hommes de la ville vint précipitamment lui dire : « Un démon a attaqué mon fils en disant, comme tu as laissé venir dans la ville un étranger qui a détruit nos idoles, que ferais-je d'autre que tu aies ton propre fils ? » Et il l'a étouffé. « Aide-moi car je crois moi aussi. Amène-nous ton fils. » Il courut en criant le nom de son fils, et dit au serviteur de l'emmener, il était âgé de 23 ans. En le voyant, Philippe pleura, et il dit à Anania : « Ceci arrive par votre folie. Croiras-tu s'il ressuscite ? Je sais que tu le ressusciteras par magie. » « Je ne croirai pas, » dit Anania. « Maudit !» dit Philippe en colère. « Descends dans l'abîme aux yeux de tous. » Il fut aussitôt englouti, et la robe de grand sacrificateur s'enfuit de lui et personne ne sut où elle fut jusqu'à ce jour. Philippe chassa le démon et ressuscita le garçon. Les gens pleurèrent et crurent en Dieu. Ils furent baptisés avec les 500. Philippe resta 2 ans à Athènes et fonda une église où il plaça des hommes pour le service, puis il partit prêcher aux Parthes. Quand Philippe arriva en Parthes, il retrouva l'apôtre Céphas avec des disciples dans une ville et lui dit : « Je te prie de me fortifier afin que je parte prêcher comme toi. » Ainsi ils prièrent pour lui. Jean qui était là dit à Philippe : « André est allé à Achaïe et Thrace. Thomas est en Inde chez les mauvais mangeurs de chair. Matthée est chez les sauvages troglodytes, hommes vivant dans des cavernes. Toi de même, ne fais pas relâche. Jésus est avec toi. » Alors ils le laissèrent aller. Il partit vers la mer dans les frontières de Candacie et trouva un bateau qui se dirigeait à Azotus. Il se mit d'accord avec les marins de voyager pour 4 pièces. Un puissant vent survint et ils commencèrent à jeter les équipements et firent à chacun de leurs adieux, en pleurant. Philippe les consola et dit que le bateau même ne sera pas perdu. Il monta sur la proue et dit : « Mère, mère, Jésus-Christ, avec moi son servant, nous t'ordonnons que ta colère se calme. » Et elle se calma. Les marins le remercièrent et demandèrent de devenir des servants de Jésus. Il leur enseigna de délaisser les besoins de cette vie, et ils crurent. Philippe les baptisa tous lorsqu'ils mirent pied à terre. À cause des miracles de Philippe, il y avait une grande agitation dans Azotus. Beaucoup de ceux qui étaient venus furent guéris, et les démons qui furent chassés crièrent contre lui. Les gens disaient différentes choses de lui. Certains qu'il était un dieu, d'autres qu'il était magicien, qu'il prêchait la chasteté et séparait les maris des femmes. Le soir venu, tous se dispersèrent, et Philippe chercha à loger. Il se dirigea vers l'un des hangars de Nicoclède, un greffier, ami du roi, où plusieurs étrangers logeaient. Il se tint un coin et pria pour la bénédiction et la guérison de la maison. Charitine, la fille de Nicoclède, l'entendit et pleura toute la nuit. Elle avait une douloureuse plaie à son œil. Au matin, elle alla vers son père, disant : « Je ne peux plus supporter les moqueries de mes camarades à cause de mon œil. Que puis-je faire ? » dit-il. N'ai-je pas appelé Lucius, le médecin du roi, Élie l'eunuque de la reine, et Solgia son soignant ? Je le sais, mais il y a un médecin étranger qui est venu la nuit dernière. Appelle-le. » Il alla vers les hangars et trouva Philippe. Es-tu le médecin venu dernièrement ? Jésus est mon médecin. Je viendrai avec toi. Ils trouvèrent la fille qui pleurait, et après l'avoir rassurée par des paroles, elle tomba à ses pieds, disant : « J'aspergerai ma chambre d'une eau pure et je déposerai mes vêtements de lin sous tes pieds. Aide-moi, je sais que tu peux. Père, laissons-le venir et qu'il voie ma plaie. » Philippe les réconforta et les donna instruction. Il la releva et lui fit mettre sa main droite à son visage, et de dire « Que mon œil guérisse dans le nom de Jésus-Christ. » Et il le fut. Tous deux crurent et furent baptisés, ainsi qu'un nombre de serviteurs. Charitine revêtit un habit d'homme et suivit Philippe. Philippe avait en l'esprit d'aller à la ville de Nicatra en Grèce. Plusieurs disciples l'accompagnaient. Il les enseignait continuellement. Il y avait une grande agitation quand il y arriva. Que faire, car son enseignement prévaut? Il sépare les maris des femmes. Jetons-le dehors avant qu'il commence à prêcher et que nos femmes soient trompées. Il y avait aussi des Juifs qui parlaient contre lui, mais un de leurs chefs, Ireux, dit « N'utilisez pas la force, mais mettons son enseignement à l'épreuve. » Ireux, un homme fortuné et juste, souhaitait par là déjouer leur conseil paisiblement. Il vint vers Philippe pour le saluer. Philippe vit qu'il n'y avait aucune ruse en lui. Il lui promit le salut pour s'être tenu avec lui. Ireux en fut étonné en sachant cela, Philippe n'étant pas présent avec eux. Philippe l'exhorta à la foi et la constance. Viens loger dans ma maison, dit Ireux. Mais d'abord, nettoie là. Comment? Ne fais aucun tort, et laisse ta femme, dit Philippe. Quand il partit chez lui, sa femme dit. J'entends que tu déjoues le conseil des Juifs pour ce sorcier étranger. Serons-nous assez dignes de le loger ici? Dit Ireux. Je ne veux pas de lui ici, car il sépare les maris des femmes. Pendant 4 ans j'ai été ta femme et ne t'ai jamais contrariée, mais je prendrai ma dot et serviteur et j'irai dans la maison de mes parents. Patience, dit Ireux doucement. Tu croiras toi aussi. Lève-toi pour manger et boire et sois heureux, mais tu ne peux me tromper, dit-elle. Comment pourrais-je manger quand l'homme de Dieu a faim? Mets cette folie de côté, dit-il, c'est un homme de Dieu, en douceur et grâce. Son Dieu est-il d'or comme ceux qui sont immobiles dans le temple de cette ville? Non, mais il est tout puissant dans le ciel. Les dieux de cette ville sont faits par des incroyants, dit-il. Amène-le que je vois Dieu en lui. Il partit rencontrer Philippe, qui lui dit ce qui s'était passé. Ireux fut émerveillé devant sa connaissance, et lui demanda de ne pas parler du reproche de sa femme. Les compagnons de Philippe le pressèrent d'accepter le logis offert et Ireux en fut heureux. Philippe consentit de venir et suivit Ireux. Mais les dirigeants et le peuple furent déterminés de ne pas permettre cela. Arrivé à sa porte, Ireux cria au portier d'ouvrir. Lorsque Philippe entra, il dit « Paix soit sur cette maison. » Voyant que sa femme restait dans sa chambre, Ireux partit lui demander d'ôter ses robes de fête et venir. Elle se mit en colère. « Personne de la maison n'a jamais vu mon visage. Comment le montrerai-je à un étranger ?» Il repartit placer des chaises dorées pour Philippe et le reste, mais Philippe dit « Reprends-les. » « Ne me vexe pas, » dit Ireux. Je ne vexe personne, mais je n'ai pas d'intérêt pour l'or qui disparaît, » dit Philippe. « Mes anciens péchés me dérangent. Est-ce que je peux être sauvé ?»« Oui, Jésus peut te sauver. Mais qu'en est-il de ta femme qui vient de te dire de t'en aller ?» Surpris, Ireux alla voir sa femme et dit « Viens voir un homme qui me raconte ce qui se passe entre toi et moi. Qu'arrivera-t-il à nos enfants si nous renonçons à tous nos biens ? » dit-elle agacée. Sa fille Artemela écoutait. Elle se dit, « Si mon père et ma mère entrent dans une nouvelle vie, ne la partagerait-elle pas ? » Elle était très belle. Sa mère Nercla lui dit de se lever et ôter sa robe tissée d'or. « Allons voir Philippe, » dit Ireux à Nercla. Les femmes changèrent leur allure attrayante pour une plus sobre et allèrent tous ensemble. Philippe brillait par une grande lumière. Ils le virent et eurent peur. Voyant cela, il revint à son aspect précédent. Nircla lui fit bon accueil et demanda pardon. Dès qu'ils dirent qu'ils croyaient, ils furent aussitôt enseignés et baptisés. Les Juifs et les païens étaient mécontents de la conversion d'Ireu. Ils envoyèrent cet homme à sa maison. Une servante lui parla d'eux et il vint, souriant, et demanda leur mission. La ville entière souhaite te voir, dirent-ils. Il les suivit. L'assemblée fut choquée de sa modeste apparence. Un homme Onesimus lui demanda d'expliquer la présence de Philippe le sorcier. Pourquoi suis-je ainsi examiné, dit Ireu. Ne dérangez pas Philippe. Assez de lui, dirent-ils. Ireu rentra chez lui et rencontra Philippe qui lui dit. As-tu peur? Non, dit-il. Les gens vinrent avec des esclaves et criaient maintenant. Livrez-nous le trompeur. Philippe sortit. Ils l'amenèrent jusqu'à l'assemblée pour se faire battre. On leur dit de lui attacher les mains et les pieds. Il revint en courant les marches et cria. Ne faites pas ça. Ils ne voulurent pas écouter. Il retira Philippe d'entre eux. Philippe dit. Je vous aveuglerais si j'avais fait ce choix. Je sais que tu peux nous aveugler mais ne te presse pas. Dit Aristarche fils de Pleugène, un chef des Juifs. Discutons, car je suis puissant, mais si je laisse ces gens, ils te lapideront. Et il saisit Philippe par la barbe. Il se mit en colère, plutôt à cause du peuple, et dit. Que ta main, tes oreilles, et ton œil droit souffrent d'avoir insulté Dieu et de me menacer. Son œil devint creux et absent, ses oreilles le firent souffrir, et sa main droite se balançait, inutile. Il demanda pitié et tous disaient « Guéris notre chef !» Philippe dit à Ireu d'aller le guérir dans le nom de Jésus. Il fit ainsi. Alors il demanda l'indulgence du pardon, puis alla discuter de l'affaire, et le peuple dit « Nous jugerons par cela. » Philippe sourit et lui dit de parler en premier. Il dit « Crois-tu au prophète ou non ?» dit Aristarchus. Les prophètes étaient nécessaires à cause de votre incrédulité, dit Philippe. Il est écrit. Qui peut déclarer ta gloire au Dieu? Et aucun homme ne peut connaître ta gloire. Et ta gloire a rempli la terre. Et le Seigneur est juge des vivants et des morts. Et Dieu est un feu dévorant qui brûlera de tous les côtés ses ennemis. Et un seul Dieu a fait toutes ces choses. Comment dis-tu alors que Marie a enfanté Jésus? Diras-tu qu'il est le pouvoir et la sagesse de Dieu qui était avec lui quand il fit le monde? Je ne nie pas que les premières Écritures disent. Faisons l'homme. Philippe sourit et dit. Écoutez tous Esaïe qui dit. Voici mon servant que j'ai choisi. Et de la croix. Il fut mené à la boucherie comme un mouton. Et aussi, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple indocile. Et je n'ai trouvé personne qui me cherchait. Et David dit, tu es mon fils. Et de sa résurrection et de Judas. Seigneur, ils ont multiplié ce qui me dérange. Et encore David. Je voyais le Seigneur toujours devant moi. Pourtant, David est mort. Prenez aussi des 12 prophètes. Dit à la fille de Sion. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Sur ce Jésus, appelé Christ Messie, Esaïe dit. Ainsi parle le Seigneur à mon Seigneur Messie, dit Aristarchu. Vous argumentez pour le Christ, dirent les Juifs. Les dirigeants et les gens acclamèrent Philippe en disant qu'il devait être reçu. Un mort dans un cercueil passa. C'était le fils unique d'un homme riche, avec ses 10 esclaves, pour être brûlé avec le corps. Les gens dirent. Voici une grande épreuve pour les chrétiens. Si leur Dieu le ressuscite, nous brûlerons nos idoles et nous croirons. Que ferez-vous s'il ressuscite? dit Philippe aux parents. Que veux-tu ? Les esclaves lui firent signe pour qu'il ne les oublie pas. Il y avait une mauvaise loi de brûler les esclaves aussi, et parfois avec leurs femmes. Philippe dit : Donnez-moi ces esclaves. Oui, et plus encore que tu voudrais. Il dit à Aristarchu : Viens aux Juifs, ressuscite-le. Il lui toucha le visage, cracha, lui tira la main, en vain. Il se retira confus. Ressuscite mon fils et je combattrai les Juifs, dit le Père Nereu. Tu devras t'engager à ne leur faire aucun mal et ton fils ressuscitera. Comme tu veux. Philippe s'approcha du cercueil, il pria. Le souffle entra dans Théophile le garçon, il ouvrit ses yeux et regarda Philippe. Philippe dit une deuxième fois. Jeune homme, au nom de Jésus-Christ, crucifié sous Pontius Pilate, lève-toi. Il sauta aussitôt hors du cercueil, et tous crièrent. Seul le Dieu de Philippe. Tous crurent. Les esclaves furent remis en liberté et Philippe détruit les idoles. Il enseigna, baptisa, assigna au service, donna les livres des lois. Nercla et Artelema furent bénis par Philippe. Ireux et Nereux planifièrent de construire une église et s'entendirent pour la construire sur une terre de Nereux et les Juifs mécontents décidèrent de se retirer. Philippe venait au nouvel édifice et s'adressait au peuple. Il pria pour Ireux et le consacra au service. Et il annonça qu'il partirait. Tous pleurèrent et il les consola. Ils chargèrent des provisions sur des chameaux et l'accompagnèrent sur 20 stades. Il les renvoya et prit 5 miches de pain seulement. Ils le saluèrent par 3 fois, tombèrent sur leur visage et prièrent pour sa bénédiction. Ils le regardèrent jusqu'à ce qu'il soit hors de vue, puis retournèrent dans la ville.